Pour vos fêtes de fin d'année, chapons, dindes, poularde et pintades fermières d'Auvergne viendront illuminer tous vos plus beaux repas. Une gamme festive aussi variée que gourmande qui promet à la fois qualité et goût imparable, mais pas que. Deux signes officiels de qualité, label rouge et IGP. Des conditions de production strictes, respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nourris avec une alimentation sans OGM et riche en céréales. Spécialement élevés pour les fêtes de fin d'année, les chapons, dindes, poularde et pintades fermières d'Auvergne sont engagés comme jamais. Plus d'infos sur volaille-auvergne.com. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'assassinat du président Paul Doumer. Le 6 mai 1932, le président de la République est abattu en plein Paris. Deux balles de revolver, une série d'erreurs médicales et une nuit d'agonie plus tard, le chef de l'État succombe à ses blessures sur son lit d'hôpital. Annoncé presque aussitôt à la radio, ce deuxième assassinat d'un président, après celui de Sadi Carnot en 1894, provoque une vague d'émotions immense à travers le pays. Paul Doumer était un personnage aimé et admiré par une très grande majorité de Français. Homme simple, calme et charismatique, ce fils de cheminot auvergnat incarnait le symbole de la méritocratie républicaine, grâce à l'école, grâce aussi à son courage et à son travail. Des rizières de la Dauphine au palais de l'Élysée, au carrefour de la droite et de la gauche, à la jonction des chemins de la politique, de l'industrie, de la finance et de la diplomatie, la carrière politique de Paul Doumer s'étale sur presque un demi-siècle. Alors, pourquoi a-t-il été assassiné? Sur ce point, la justice française retient la thèse d'un acte isolé. Mais aujourd'hui, des documents d'archives viennent remettre en question cette version officielle. Notre invité aujourd'hui, l'historien Amaury Laurin. Il est à l'origine des dernières avancées sur cette affaire. Docteur en histoire, enseignant à Sciences Po Paris, il est l'unique biographe de Paul Doumer. Son dernier livre, intitulé « Paul Doumer, la République audacieuse », paru en 2022, vient d'être réédité dans une version augmentée aux éditions Chamballon. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct et aujourd'hui en partenariat avec Retro News, le site de presse de la BNF. Récit documentaire, Adrien Cara, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Alors, commandant, nous allons naviguer de conserve. Oui, monsieur le président. Vous inaugurez ce matin la vente des écrivains combattants. Voyons, nous devons nous trouver là-bas à quelle heure? À 15h, monsieur le président. Monsieur Claude Farrère, président de l'Association des écrivains anciens combattants, monsieur le ministre François Pietri et monsieur le ministre Paul Reynaud vous accueilleront. Je ne voudrais pas être précédé, comme d'habitude, d'un officier de service et d'agent de police. J'aime mieux être bousculé que de faire bousculer les autres. Il faut bien vous protéger, monsieur le président. Paris, vendredi 6 mai 1932. Dans les salons du palais de l'Élysée, le président de la République, Paul Doumer, s'entretient avec son responsable de la sécurité. Et comme vous venez de l'entendre dans cette scène de reconstitution, il demande à ce que le dispositif de protection soit aujourd'hui allégé. D'ailleurs, cet homme-là n'aime pas les services d'ordre. Depuis le début de sa prise de fonction, moins d'un an plus tôt, en juin 1931, il refuse d'être séparé des Français par un cordon de police lors de ses déplacements à Paris ou en province. Son activité principale, car les présidents de cette Troisième République, parlementaires jusqu'au bout des ongles, n'ont d'autre pouvoir que l'inauguration des chrysanthèmes. Donc les bains de foule, c'est leur activité principale. Alors à ceux qui, comme George Wiseman, secrétaire général de l'Élysée, lui rappellent le danger tout de même d'être exposé, Paul Doumer répond avec un humour distancié « Que voulez-vous ? À mon âge, s'il m'est donné de tomber pour le pays, qu'espérer de mieux ?» Propos saisissant quand on connaît la suite. Mais de toute façon, cet homme-là entretient un rapport très particulier avec la mort. La Première Guerre mondiale est passée par là. 1 400 000 soldats français ont péri dans l'enfer des tranchées. L'immense majorité de la population est en deuil. Paul Doumer et sa femme, Blanche, ne sont pas épargnés. Entre 1914 et 1923, le couple Doumer enterre 5 de ses 8 enfants morts pour la France. Et comme en témoigne cette autre scène de reconstitution, le président guette la mort avec une certaine forme de fatalité. Ce qui devrait être d'ailleurs le cas pour le commun des mortels, justement. Et d'ailleurs, je me souviens que le jour de mon élection, au retour de Versailles, en voyant les gardes républicains galoper autour de ma voiture, j'avais soupiré « Je n'irai pas jusqu'au bout de mon septennat. Je mourrai assassiné. Hein » Voyez-vous, ça, je l'ai écrit. Oui, monsieur le Président, dans le livre de mes fils. Oui. Et j'ai écrit « Un homme n'est grand que s'il a vu la mort de près et l'a regardé en face, froid et impassible. » Dans les rues de Paris au début des années 30, le temps de la fête et de l'insouciance est désormais révolu. Certes, le soir, la musique des cabarets résonne toujours à Montmartre ou à Montparnasse. Mais le krach boursier de 29 et les tensions diplomatiques changent radicalement l'ambiance. Les années folles ont vécu. La France et une bonne partie du monde entament la décennie de tous les périls. Dans une Europe aux proies au doute et à la montée des extrêmes, les passions politiques en effet s'exacerbent. La violence monte d'un cran. Certaines organisations criminelles comme la Cagoule ou d'autres groupes politiques comme l'Action française menacent de s'en prendre aux responsables politiques. Mais en ce temps-là, la sécurité des représentants de l'État est encore à ses balbutiements. Les invités d'événements officiels ne sont pas toujours fouillés. Certains même arrivent à entrer sans invitation. C'est le cas de Louis Barada, un chauffeur de taxi. Lors de l'élection de Paul Doumer par les parlementaires à Versailles en juin 31, la règle de la Troisième République étant que le président soit élu par les parlementaires et non pas les citoyens, Louis Barada réussit à s'introduire au château. Des années plus tard, il raconte au micro des RTF. J'ai dépassé le premier cordon de troupes. Le deuxième, j'étais arrêté par deux gardes républicains. Je leur dis, messieurs, il faut que je voie ce parlementaire immédiatement, c'est une haute importance. Voulez-vous me laisser passer ou aller voir l'officier qui vous commande? Ce jeune lieutenant, il regarde la carte de présenté, il dit parfaitement, laissez passer ce monsieur. Et ma foi, je suis parti. Je me suis trompé de porte, au lieu de monter vers la salle de séance, j'ai monté dans les combes du château de Versailles. Ou alors j'ai trouvé un monsieur qui était là. Il m'a regardé d'un air ahuri, en se demandant qu'est-ce que c'est que ce couillon qui est là, qui vient là, comme ça. Monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Ben, j'ai dit, écoutez, j'ai perdu la salle de séance, je ne sais pas où c'est que je suis perdu. Il m'a presque pris par la main, il m'a amené à la galerie des glaces. Et alors, ma foi, j'étais là, mélangé, presque de force parmi les parlementaires, à la buvette. J'en ai profité pour boire deux bons petits portos, que je dois toujours à la Troisième République, je n'ai encore pas payé. C'est l'histoire de Louis Barada prête à sourire, elle témoigne tout de même et sévèrement des lacunes dans l'organisation de la sécurité des responsables politiques. D'autant qu'au même moment, des menaces planent sur le président Doumer et elle devrait l'inciter à redoubler de prudence lors de ses déplacements. Une semaine avant de se rendre au salon des écrivains anciens combattants, il a reçu une lettre dans laquelle un mystérieux individu menaçait de le tuer. Et puis une autre, écrite elle par un colonel russe à l'attention de la police française. À l'intérieur, l'officier soviétique alerte la France de la préparation d'un attentat contre le président de la République. Vendredi 6 mai 1932, il est un peu plus de 14h45, lorsque la voiture officielle de Paul Doumer quitte sous escorte la cour de l'Élysée. Le véhicule s'engage ensuite dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, destination l'hôtel Rothschild, situé à quelques centaines de mètres de là. Une dizaine de minutes plus tard, le petit cortège s'arrête devant l'entrée principale de l'hôtel. Le président de l'Association des écrivains combattants, Claude Farrère, accueille le chef de l'État. Les deux hommes sont de vieux amis de 30 ans et ils se sont connus en Indochine. Pendant ce temps, le commissaire de police Paul Guichard et ses hommes tentent de canaliser la foule qui s'agglutine sur le passage du président. Mais encore une fois, Paul Doumer fait signe aux agents de s'écarter. Accompagné et guidé par Claude Farrère, il déambule tranquillement dans la grande salle, souriant. Il serre la main d'un écrivain suisse, puis il s'approche du stand de Claude Farrère pour acheter un exemplaire de son livre, dédicacé, bien sûr. Et c'est là que tout bascule, comme le racontera plus tard Claude Farrère. Le président venait de chercher son portefeuille dans son veston. Je l'ai arrêté en lui disant, monsieur le président, si vous vous mettez à vouloir payer à tous les comptoirs, nous n'en finirons pas. Passez simplement, et quand ce sera fini, vous me donnerez le chèque qui vous plaira, voilà. Ah, bien, me dit-il. Mais à tout à l'heure, Farrère. Comme il prononçait mon nom, j'entendis des détonations. Je le vis pivoter, et son visage se couvrit de sang. Je me précipitai pour le retenir. Je le retins, je le descendis à terre, Et dans ce moment, les détonations continuaient. Et j'ai eu le temps aussi de penser, si l'imbécile qui tire continue longtemps, il va nous tuer des femmes ici. Dans les travées du salon des écrivains anciens combattants, en une poignée de secondes, l'après-midi de fête vient de virer au drame. Confusion, sidération, plusieurs invités s'évanouissent, d'autres crient à l'aide. Deux hommes sont au sol, le premier hurle pendant que le second agonise. Allongé au milieu d'une mare de sang, le visage au teint cireux, l'homme qui agonise, c'est le président de la République, Paul Doumer. Il a reçu deux balles. La première a traversé la région basse du crâne avant de ressortir au niveau de la pommette droite. La seconde est entrée sous l'aisselle pour ressortir derrière l'épaule. Une infirmière s'agenouille et tente de prodiguer les premiers soins. Un médecin s'approche et sans même avoir ni ausculté ni touché le corps de la victime, s'écrie « Le président est mort ». Alors, la panique s'empare de toute la salle. Mais un instant plus tard, un autre médecin prend cette fois le poignet de la victime et tâte son pouls. Le cœur de Paul Doumer bat encore. Le chef de l'État s'est juste évanoui. À quelques mètres de là, l'homme qui hurle, c'est le tireur. Après avoir été tabassé par l'assistance, il est maîtrisé au sol par le commissaire Guichard et plusieurs policiers. Menotté, il lance alors à l'attention de la foule qui le regarde, ce n'est que le commencement. Du fait de sa grande taille, de son costume sombre et de ses petites lunettes noires qui masquent son regard, il avait attiré l'attention de la femme de Claude Farrère, comme l'explique ce dernier au policier. Quelques instants avant, dit au directeur de la police judiciaire qui était là, faites donc écarter ce monsieur qui nous gêne tous et qui va se trouver sur le passage du président. C'est-à-dire l'assassin. C'était l'assassin. Et le directeur de la police judiciaire n'eut pas l'instinct de le prendre à bras le corps pour le repousser. Il le poussa doucement par l'épaule. En fouillant le tireur, les policiers retrouvent ses papiers d'identité. Il a 36 ans, c'est un médecin d'origine russe qui répond au nom de Paul Gorgoulov. Autre élément qui permet d'emblée au commissaire Guichard de considérer que le crime a été prémédité, un policier retrouve un manuscrit sur le parquet. Sur le premier feuillet, on peut lire en lettres noires d'imprimerie « Paul Gorgoulov a tué le président de la République ». L'individu est emmené au 36 quai des Orfèvres. Au même moment à Paris, l'information sur l'attentat contre le président se répand comme une traînée de poudre. À 16h, un premier bulletin d'information est diffusé sur les ondes de la radio. Une vague d'émotion et d'indignation s'empare de la capitale. Et les rumeurs les plus folles circulent. Le président Doumer aurait été abattu en pleine rue et son assassin, lui, aurait été lynché à mort par la foule. Au milieu de ce chaos, un jeune garçon de 7 ans est le témoin de cette agitation. Il s'appelle Alphonse Boudard. Des années plus tard, désormais adulte et désormais romancier reconnu, il témoigne. Ce qui me frappe, ce qui va rester, c'est que les crieurs de journaux annonce l'assassinat du président Paul Doumer. Président de la République assassiné, demandé Paris Soir, etc. Alors c'est un événement dans la tête d'un petit gosse, et le président de la République a l'impression que c'est quoi, le maître après Dieu, et que c'est quelqu'un de très très important. Alors ça m'est resté dans la tête. Aux urgences de l'hôpital Beaujon, c'est la panique. Quelques instants plus tôt, la voiture du chef de l'État est arrivée en trombe devant l'entrée principale. Étendu à l'arrière, sur le tapis de sol, Paul Doumer gît inanimé. Deux infirmiers l'installent sur un brancard et l'emmènent à l'intérieur. Dans l'empressement, un chirurgien installe le chef de l'État au bloc opératoire et procède à une ligature au niveau du bras, là où la balle a perforé une artère. Puis, l'équipe médicale installe un système de transfusion sanguine afin de stabiliser l'état du patient et l'aider à se rétablir. Âgé de 75 ans, Paul Doumer était jusque-là un homme en pleine santé. Décrit par ses conseillers comme se levant tous les matins aux aurores pour lire et répondre aux lettres des Français, et souvent le dernier au palais à aller se coucher. Parmi les premiers qui arrivent à l'hôpital Beaujon, il y a le secrétaire général de l'Élysée, bien sûr son plus proche collaborateur, en l'occurrence Georges Huisman, qui des années après raconte la scène. Le président Doumer était évanoui à ce moment-là. Mais on lui a fait deux transfusions du sang, et à ce moment-là, il a repris connaissance. Et c'est particulièrement émouvant, touchant, et il a demandé ce qui lui était arrivé. Il l'a demandé à son vieux collaborateur et ami, le docteur Juliac, Il lui a dit, mon cher Julien, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors, Julien lui a dit, un accident de voiture, un accident d'auto. Et alors, le président Doumer a fait cette réflexion, vraiment, qui montre toute sa sensibilité. Comment est-ce que ça a pu arriver? Il me conduisait si bien. Hommage qu'il rendait à son chauffeur. À ce moment-là, il nous a reconnus. Il a parlé à quelques-uns d'entre nous et nous avons eu de l'espoir. Si vous voulez, vers 7-8 heures du soir, n'est-ce pas, ça a traîné jusque vers le milieu de la nuit. Lorsqu'il reprend connaissance, le président Doumer surprend son entourage par sa lucidité et son calme surtout. Pendant plusieurs minutes, il s'adresse à ses proches en les regardant bien dans les yeux. Il donne alors l'impression d'aller mieux et beaucoup pensent qu'il va s'en sortir. Ce que personne ne sait en réalité, c'est que sur le plan médical, plus les minutes passent et plus son état de santé se détériore. À 22h, le ministre de l'Intérieur publie un communiqué qui stipule que le président est toujours en vie, mais que son état est toujours considéré comme grave. Puis un autre communiqué, cette fois à 2h30 du matin, qui dit, comme une douche froide, le président vient de sombrer dans le coma. 2 heures plus tard, la douche est glacée. Il est un peu plus de 4h30, le président de la République est mort. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte. De-ci, de-là, pareil à la feuille morte. Rumeur-là vient de la ville. Aujourd'hui, l'assassinat du président Paul Doumer. France Inter, affaire sensible. Frappé d'une balle de revolver à la base du crâne et d'une autre à l'aisselle droite, M. Doumer avait été transporté de la rue Berryer à l'hôpital Beaujon. Des rassemblements considérables se formèrent qui commentaient en termes indignés l'abominable nouvelle. À l'hôpital arriva d'abord M. Laval, puis, quelques instants après, le président du Conseil, auquel on donna des nouvelles peu rassurantes. Le président avait perdu beaucoup de sang et la transfusion dut être pratiquée à deux reprises. La situation restait grave. L'assassin n'est pas français. C'est un médecin nommé Paul Kougulov, se disant fondateur du parti fasciste russe. On sait que M. Doumer a quitté la présidence du Sénat pour celle de la République. Il y a un an à peine, il était élevé à la première magistrature de l'État. Samedi 7 mai 1932, Paris. Il est 5h du matin. La rue du Faubourg Saint-Honoré est déserte et silencieuse. Une ambulance, sans sirène ni lumière, quitte l'hôpital Beaujon. Allongé à l'arrière du véhicule, recouvert d'un linceul blanc, repose la dépouille du président de la République, Paul Doumer. Son corps est rapatrié à l'Élysée pour préparer ses obsèques. Dans la précipitation, certains responsables de l'État proposent de l'inhumer au Panthéon. Mais l'épouse du président s'y oppose. Ils m'ont pris Paul toute sa vie. Ils me l'ont tué. Je veux au moins être avec lui jusqu'à la mort, s'écrie-t-elle. 150 000 personnes viennent lui rendre hommage et Paul Doumer est inhumé dans le cimetière de Vaugirard. La France est en deuil. Les drapeaux sont mis en berne pour une durée d'un mois. Sur les images des actualités cinématographiques du 7 mai 1932, un message plonge tout le pays dans l'effroi. C'est avec une stupeur inexprimable et une émotion qu'on ne saurait dépeindre que Paris apprend l'assassinat du président de la République. S'ensuivent des images de lui où on le voit en gros plan avec sa barbe, son chapeau, sa canne et son éternel sourire. Toute la journée, les critiques se font silencieuses. La classe politique dans son ensemble rend hommage au président défunt et au rôle qu'il a joué au service de la France pendant plus de 50 ans. Interrogé à ce sujet, le journaliste Fernand Guies loue les qualités exceptionnelles du président assassiné. J'ai bien connu Paul Doumer. C'était un homme d'origine modeste, patriote ardent, journaliste de conviction, élu député et connu pour sa forte intelligence, son acharnement au travail et sa volonté. Ceux qui servirent sous ses ordres en ont su quelque chose. J'ai pu l'apprécier ensuite comme président de la Chambre, comme président du Sénat, comme président de la République, jusqu'à l'heure où un assassinat odieux l'enleva à notre affection et il fut longtemps le commensal de mon beau-père. Mais après un drame comme celui-là, l'assassinat d'un président, une transgression, le recueil et l'émotion populaire laissent place aux questions et aux accusations. Relayés par la presse, deux polémiques éclatent et accablent les médecins qui se sont occupés du président après l'attentat, ainsi que les policiers qui n'ont pas réussi à le protéger. Parce qu'enfin, comment expliquer que le président de la République soit mort 13 heures après ses blessures, alors qu'il était hospitalisé dans un bloc chirurgical parmi les plus modernes de France ? Dans un grand quotidien, on peut lire par exemple « Raté par l'assassin, Paul Doumer a été achevé à coups de gaffe médicale ». Interviewé, un chirurgien dénonce en effet la manière dont a été pris en charge le président et remet en cause les décisions prises par ses confrères. Un autre médecin établit ce constat dramatique. Aucune des deux balles n'était mortelle. Un simple pecnour ramassé dans la rue et soigné par le plus humble des médecins de campagne s'en serait tiré. Quoi qu'il en soit, sur le plan politique, l'histoire retient surtout que l'assassinat du président Paul Doumer marque à la fois une prise de conscience et une rupture, comme l'explique l'historien Jean-Noël Jeannonet. L'assassinat de Doumer correspond à un grand tournant, je crois, dans l'histoire de la Troisième République. C'est l'époque où tout bascule. C'est la fin des années folles, c'est la fin de la prospérité, d'une courte prospérité qu'a connue la France après le rétablissement du franc. Sur le plan social, c'était l'époque des allocations familiales. Et puis, brusquement, voilà que la crise arrive, juste au moment précis, d'ailleurs, où Doumer est assassiné. En moins d'un an passé à l'Élysée, le président Paul Doumer était devenu une sorte de père protecteur de la nation. Un homme sympathique, aimable, accessible, simple et naturel. Tout l'inverse de certains de ses prédécesseurs, dont les frasques financières ou sexuelles, ont fait parfois la une de la presse. Doumer est un exemple de travail, de courage et d'effort. Originaire d'une famille modeste du Cantal, il naît en 1857 d'un père poseur de rail et d'une mère femme de ménage. Rien en tout cas qui ne le prédestine à devenir un jour président de la République. Eh bien, il est de ce point de vue une illustration emblématique de la méritocratie républicaine, de l'égalité des chances. Analyse partagée par cet historien interviewé sur France Inter. Ce qui me paraît intéressant dans le trajet de Paul Doumer, le pauvre homme, c'est que c'est très très représentatif d'une certaine étape de la République. D'abord le milieu social, c'est incontestablement l'homme qui connaît les origines les plus humbles. Ensuite le travailleur, l'homme de l'école du soir. Il va à l'école des arts et métiers, il travaille d'abord comme commissionnaire, ensuite comme ouvrier en médaille. Et puis par l'école du soir, il devient licencié en mathématiques. Licencié en mathématiques, il est professeur à droite et à gauche. Il est remarqué par la maçonnerie à laquelle il adhère très vite. Et d'autre part, parce que Doumer a fait ses classes sous un homme considérable dans l'histoire de la Troisième République, dans l'histoire du passage de la République des ducs à la République des républicains, qui est Waddington. C'est Waddington qui a distingué l'intelligence de Doumer. gouverneur de l'Indochine française, président de la Chambre des députés, vice-président de la commission de l'armée du Sénat pendant la Première Guerre mondiale, ministre des Finances à 3 reprises, puis président du Sénat avant de devenir le 14e président de la Troisième République, la carrière de Paul Doumer est hors norme, et par sa durée, et par l'importance des postes qu'il a occupés. Concernant son élection à l'Élysée face à un homme de la stature d'Aristide Briand, star tribunicienne, l'homme de la paix, les chances de Doumer de l'emporter étaient très minces. Et pourtant... En tout cas, sa mort rend célèbre son assassin. Juste après les coups de feu, alors que les policiers se jettent sur lui pour le maîtriser, on retrouve dans la poche de sa veste un petit carnet vert dans lequel il avait écrit « J'avais préparé cet attentat à 3 reprises, et bien maintenant, il ne m'a pas échappé. » Il s'appelle donc Paul Gorgulov. Et l'une de ses anciennes patientes, une jeune femme du nom de Natalia, décrit cet homme au micro de Paul Ajac sur France Inter. Comme je n'avais pas beaucoup d'argent, on m'a dit « Il y a ici une maison russe, et là, vous pouvez payer toute petite taxe et vous allez avoir le docteur. » Gorgulov, qu'est-ce que c'est que ce type-là? Paraît-il que c'est un homme qui travaillait en Suisse et puis après, pour une raison ou pour une autre, il est arrivé à Paris et il s'est engagé dans cette maison et il travaille bien et puis il est très propre, tout ça. Dans le contexte des années 30 et la montée d'une forme de xénophobie partout en Europe, l'assassinat du président Doumer secoue la communauté russe de Paris. Interrogé par le commissaire Guillaume, le grand patron de la brigade criminelle, Gorgulov affirme avoir agi seul et justifie son geste de cette façon. L'existence d'une force quasi hypnotique correspondant à une idée fixe sauvait la Russie du bolchevisme. Je reprends ces mots. Membre d'un parti fasciste russe, dont il est d'ailleurs le seul et unique membre, Gorgulov justifie son acte de cette façon également. La France est complice des autorités soviétiques. Elle a laissé tomber les armées blanches qui le combattaient. Elle a reconnu le gouvernement soviétique en 1924. Elle a signé des traités avec l'URSS. Le crime est donc bien politique et complètement prémédité. Une chose est certaine, le contexte du passage à l'acte n'est pas anodin. L'attentat perpétré par Gorgulov a eu lieu en plein milieu des deux tours des élections législatives de mai 32. La mort du président Doumer aurait pu déstabiliser le pays en perturbant ces élections-là, ô combien importantes, dans un régime parlementaire, les plus importantes. Au même moment, dans la presse de droite, le réfugié russe Gorgulov est vu comme un danger bolchevique. Dans la presse de gauche, à l'inverse, il est décrit comme un impitoyable fasciste. Deux hommes, deux visages, un même nom et un seul crime, la justice va devoir trancher. Poursuivre et punir sévèrement des coupables dont l'impudence et l'impunité ont très justement exaspéré l'ensemble de notre nation qui est honnête, probe et saine. L'œuvre de justice et d'assainement, d'assainissement moral ne pouvait pas attendre. Elle est en train. Elle se poursuivra sans ménagement pour personne. Le 25 juillet 1932, 2 mois à peine après l'assassinat de Paul Doumer, le procès du docteur Paul Gorgulov s'ouvre aux assises. La salle est remplie de journalistes venus du monde entier. Parce que chacun veut voir la bête Gorgulov, décrite parfois comme une sorte de gorille bestiale aux instincts primitifs. Les avocats de l'accusé plaident la folie. Le récit de l'emploi du temps, des derniers jours de Gorgulov avant son passage à l'acte, renforce l'idée d'un individu effectivement instable et agissant sous forme de pulsions incontrôlables. La veille du crime, par exemple, il va prier à Notre-Dame avant d'aller s'enivrer dans un bar. Les 3 médecins aliénistes, nom donné à l'époque aux experts psychiatres, estiment que l'accusé n'est pas fou. Dans leur rapport de presque 80 pages, ils considèrent que Gorgulov ne présente ni trouble mental ni anomalie psychique susceptible d'atteindre sa responsabilité pénale. Or, la contre-expertise demandée par les avocats du prévenu juge au contraire que Gorgulov est un psychopathe délirant, une sorte de demi-fou lucide de type régicide. Quoi qu'il en soit, mentalement dérangé ou pas, après 2 journées d'audience, Gorgulov est reconnu coupable d'assassinat et toutes les circonstances atténuantes, concernant ses troubles psychiatriques réels ou supposés sont rejetées. Son crime est considéré comme un acte isolé et prémédité. En conséquence de quoi, il est condamné à mort. Le 14 septembre 1932, aux premières heures du jour, Gorgoulov est extrait de sa cellule. Quelques minutes plus tard, il est guillotiné. Devant une foule de près de 3000 personnes, le célèbre bourreau Debler tranche la tête de Gorgoulov. L'assassin du président Paul Doumer vient de rendre son dernier souffle et, pense-t-on alors, justice a été rendue dans cette affaire au nom du peuple français. Mais le médecin russe emmène dans sa tombe sa part de vérité et ses secrets sur l'affaire. Ce dossier criminel hors norme a bouleversé l'histoire de la Troisième République. Mais planent aujourd'hui encore de nombreux doutes et autant de questions sur les motivations réelles qui ont poussé un homme réfugié en France à se transformer en assassin du président de la République. Autrement dit, et si Gorgoulov avait agi pour le compte de quelqu'un d'autre ? France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'assassinat du président Paul Doumer. Notre invité est l'historien Amaury Laurin. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes à l'origine des dernières avancées sur cette affaire. Vous êtes docteur en histoire. Vous enseignez à l'IEP de Paris, Sciences Po. Vous êtes l'unique biographe de Paul Doumer, un personnage auquel vous avez déjà consacré plusieurs livres. Le dernier s'intitule « Paul Doumer, la République audacieuse ». Paru en 2022, il vient de reparaître aux éditions Champvallon dans une édition revue et augmentée. Je suis étonné quand même, première biographie, c'est étonnant parce que cet homme-là, Paul Doumer, est très intéressant. Puis quand même, il a été assassiné. Heureusement, il y en a eu deux comme ça, il y a eu Sadi Carnot en 1894. Pourquoi on s'est pas intéressé à lui ? Et heureusement que vous êtes là. Alors en effet, ça surprend tout le monde. Il n'y avait pas encore de biographie de Paul Doumer avant la parution l'an dernier, enfin aux éditions Champvallon, de Paul Doumer, deux points la République audacieuse, ce qui est presque un sujet en soi, et c'est d'autant plus surprenant, hein, c'est presque un paradoxe, qu'il y a 25 000 avenues, boulevards, quais, Paul Doumer, un petit peu partout en France, selon une estimation de l'Association des maires de France. L'avenue de la Muette, d'ailleurs, à Paris, est baptisée avenue Paul Doumer un an après l'assassinat, à l'occasion du premier anniversaire de l'assassinat. Et 90 ans, donc, après son assassinat, dans l'exercice de ses fonctions, le président assassiné était devenu le président oublié. Hein, ouais. Alors, on a 6 biographies de Gambetta, 5 de Clémenceau, 3 de Poincaré, etc. Et donc, on avait là une lacune importante de notre histoire de France et de nos chefs d'État. Alors, il y a 4 raisons qui peuvent expliquer ce paradoxe rapidement. Tout d'abord, la brièveté de son mandat présidentiel. À peine un an. À peine un an, puisqu'il est interrompu tragiquement en 32. Par conséquent, Doumer n'a pas eu le temps, si je puis dire, d'imprimer sa marque. Sauf que derrière cette élection, il y a 45 ans précisément de vie politique. De 1887, il entre au conseil municipal de Laon comme conseiller municipal à l'assassinat en 1932. Ce qui fait que Doumer est un des rares, avec Poincaré, à être présent du début à la fin de la Troisième République. Et donc c'est un acteur politique de premier plan. Deuxièmement, il y a son côté assez inclassable politiquement, sa très grande indépendance. C'est une carrière qui s'accomplit en dehors des partis politiques. Sur certaines questions, il a une sensibilité de centre-gauche, sur d'autres, de centre-droit. Il incarne une forme de centrisme foncièrement patriote, hein, un nini avant l'heure. Ouais. Et enfin, il y a une raison institutionnelle, il a présidé toutes les grandes présidences de l'État républicain, sauf la présidence du Conseil, hein, ce qui explique... Et puis enfin, il y a le traumatisme de l'assassinat qui explique que ça a été si déstabilisant pour la France de 1932 qu'on a refoulé ce président. Bon, cela dit, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de biographies de Falière, Millerand, Grévy non plus. Hein. Alors, pour les jeunes auditeurs qui suivent Affaires Sensibles, ils sont nombreux et on le sait. Et vu que leur construction historique n'est pas forcément terminée, rappelons ces présidents-là, les présidents de la Troisième République comme de la Quatrième République. Je disais, ils sont là pour inaugurer le chrysanthème, c'est un peu brutal. Mais c'est vrai que les présidents n'ont pas la réalité du pouvoir. Est-ce qu'ils en ont quand même un peu ? Quels sont-ils ? Oui, pour les Français, la présidence de la République incarne la stabilité du pouvoir. Par conséquent, ce qui m'a frappé dans les sources, c'est les expressions qui sont employées par les contemporains, nos compatriotes, en 1932. Mmh. On parle de crime, non pas de lèse-majesté, mais de crime de lèse-nation. On l'a vu dans l'excellente archive sonore à l'instant, il s'agit de... Alors, l'instruction est un peu rapide, mais il s'agit de... de réparer ce crime contre la nation. Deuxièmement, on parle de régicide républicain, avec guillemets, on ne parle pas de présicide. C'est un oxymore d'ailleurs. C'est un oxymore, et on se réfère à l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac en 1610, ne sachant pas comment qualifier ce traumatisme. Et enfin, ça n'est pas anodin, on parle du Sarajevo de la Deuxième Guerre mondiale, hein, le 6 mai 1932, en référence au 28 juin 1914, l'assassinat de l'héritier à Sarajevo. Et ces expressions de nos compatriotes en 1932 m'ont semblé vraiment très fortes. Alors, l'inauguration des chrysanthèmes, mais Doumer a voulu représidentialiser la fonction présidentielle entre 31 et 32. On a plusieurs exemples de ses interventions. Il assiste à la rentrée de la Cour de justice, ce que ses prédécesseurs ne faisaient pas. Et surtout, il intervient dans la formation, contrairement aux usages, dans la formation du gouvernement en février 1932, avec Tardieu et Painevet. Donc on a un président, un homme simple certes, un président normal avant l'heure, mais qui s'attache à développer, à incarner un exécutif fort. Alors, il y en a un autre comme ça qui voulait changer un petit peu la pratique politique sans forcément changer la Constitution, c'était Paul Deschanel, alors lui qui a fini en burn-out en fait, il n'était pas fou, il a fini en burn-out, c'était un président aux idées très larges, qui était un social-démocrate très progressiste, et il voulait lui aussi que le président ait un peu plus de pouvoir. Vous avez dit « nation », le président représentait finalement... La nation, c'est un concept presque plus sentimental que politique, la nation, l'appartenance à une nation. Et donc le président représente ça. Oui, alors on va rappeler à nos jeunes auditeurs notamment que l'élection présidentielle se fait, ce sont les députés, les sénateurs qui sont réunis en congrès à Versailles. Et en effet, ce président-là incarne la nation. D'ailleurs, c'est un président âgé, hein, il est âgé de 74 ans, Paul Doumer, quand il est élu. Après un premier échec à l'élection présidentielle en 1906, il a affronté Falière. Son élection la plus audacieuse, c'est celle à la présidence de la Chambre des députés en 1905. Et il a mis 25 ans à comprendre entre ces deux candidatures à la présidentielle, 1906-1931, qu'avant d'être président de la République, c'est un peu tacite dans les institutions de la Troisième République, il faut au préalable être président du Sénat. La présidence du Sénat sert de marchepied vers la présidence de la République, la magistrature suprême. Et je crois que c'est aussi le cas de Paul Deschanel, d'ailleurs. Il est président du Sénat, me semble-t-il, absolument. Quand il s'est présenté contre Clemenceau. Et dans le cas de Doumer, si vous voulez, il y a deux Paul Doumer qui sont élus en 1931. Il y a tout d'abord l'ancien gouverneur général de l'Indochine. Il est resté 5 ans. Aucun gouverneur général n'est resté aussi longtemps précédemment. Dès à ce moment-là, je pense qu'il a un projet présidentiel. Il veut annexer la province chinoise du Yunnan sans consulter le gouvernement, puisqu'en tant que gouverneur général, il a plus de pouvoir qu'un ministre en métropole. Et puis, vous l'avez rappelé, la deuxième grande césure dans cette vie, dans cette carrière, c'est 14-18. Il faut rappeler qu'en 1931, un Français sur deux est un ancien combattant de la Grande Guerre. Les anciens combattants, alors qui sont pacifistes et non pas bellicistes, disent que jamais ils n'en verront brillant à l'Élysée. Hein, et donc, ce père... L'apôtre de la paix, oui. Ce père de famille qui a perdu 5 de ses 8 enfants, en effet, entre 1914 et 1923, devient ce qu'on peut appeler un symbole patriotique vivant. Ce qui fait de lui, non pas un président nationaliste, comme j'ai pu le lire, c'est un contresens, mais un président patriotique. Foncièrement patriote. Ouais. Vous avez intitulé votre livre, Paul Doumer, La République audacieuse. En quoi est-elle audacieuse, cette Troisième République? Et est-ce que c'est la Troisième République du moment de Paul Doumer ou l'ensemble de la Troisième? Alors, il y a une double audace. Il y a tout d'abord l'audace d'un régime qui ne craint pas d'appeler à la magistrature suprême un fils de cheminot. Hein. Le père de Paul Doumer était poseur de rails, précisément. Mmh. Doumer est orphelin de père, il est apprenti à l'âge de 12 ans. Donc, il y a cette audace-là, qui n'a pas forcément plu à tout le monde en 1931. Et puis, il y a l'audace d'un homme qui est un parachuté permanent. Il est député de Lyon, puis de l'Aisne, puis sénateur de Corse. Il est affranchi de la discipline des partis. Et pour tout vous dire, le qualificatif d'audace, je l'ai lu chez saint Thomas d'Aquin, qui, dans son tableau des pulsions vitales, nous présente l'audace, je le cite, comme une pulsion vitale, virgule, qui ne craint pas le danger. Mmh. Et par conséquent, alors, ce livre est un livre sur le courage, hein, comme le savent nos auditeurs, le courage est la plus haute des vertus. Et donc cette audace, Doumer en fait preuve constamment durant ses 45 ans d'années politiques, dans tous les mandats qu'il a exercés, puis c'est également une carrière qui s'accomplit dans les affaires, dans le journalisme. Il crée le journal L'Opinion en 1910, il crée l'Institut français de Saint-Pétersbourg. Il préside la compagnie générale d'électricité, qui était avant Alcatel. Hein. C'est une carrière au croisement de la politique, certes, mais aussi de l'industrie, de la finance, de la diplomatie. France Inter. Affaires sensibles. Amaury Laurin, je rappelle que vous êtes historien biographe de Paul Doumer. On va écouter une archive qui date de 1954. C'est le président de l'Association des écrivains combattants, Claude Farrer, qu'on a déjà entendu, qui a un peu la même voix que Jacques Chaban-Delmas, se dit au passage. On va l'écouter, il nous dit quelque chose d'étonnant. Je crois que la guerre de 1939 n'eût pas éclaté si le président Doumer était resté au pouvoir. Et qu'est-ce qui vous fait croire cela, très brièvement? Son caractère. C'était un homme très énergique et qui avait conservé toute sa jeunesse d'esprit. Dans ces conditions, je crois, il était facile d'empêcher la guerre jusqu'en 1934. Nous savons que Hitler avait donné l'ordre à ses divisions de reculer immédiatement si les Français mobilisaient. Il aurait suffi de mobiliser. Et pour mobiliser, il aurait suffi d'une énergie. D'une énergie. Et du l'énergie geste. De Doumer. Je suis convaincu que Doumer aurait eu l'énergie de mobiliser. Et lui seul. Bon, c'est un peu de l'Uchronie. Hein. Un historien, c'est pas très élégant, mais je vous la propose quand même. Vous y croyez, ce qu'il dit? Ça tient debout ou pas? Que se serait-il passé, finalement, si Doumer n'avait pas été assassiné en 1932, histoire contrefactuelle? Alors, il aurait prolongé son mandat jusqu'en 1938. Oui, je partage cet avis. Fermeté dans la prise de décision, intransigeance sur la question des réparations. Cet assassinat, on ne peut pas le déconnecter du dossier des réparations. Tiens donc. Des réparations dues par l'Allemagne en réparation des dommages des guerres, c'est le traité de Versailles. C'est Doumer est ministre des Finances en 1921, lors de la conférence de Londres, où on définit le montant des réparations, les fameux 132 milliards de marques or. Et ce père de famille qui a perdu 5 enfants, est marqué par ce qu'on peut appeler une impossible démobilisation psychique. Hein. Mmh. C'est un président militariste. Déjà en 14-18, à la présidence de la commission de l'armée du Sénat, il a donné tous les moyens possibles matériels à l'armée française, disant que pour qu'elle soit respectée, la France, de son voisin allemand notamment, doit s'engager dans une défense nationale forte. Et puis surtout, en matière de politique étrangère, le président Doumer est un ardent promoteur des relations franco-russes. Depuis l'alliance franco-russe, il rencontre deux fois le tsar Nicolas II en personne à Saint-Pétersbourg. En 1902, le tsar le consulte sur son expérience coloniale. Et puis en 1915, c'est lié aussi à l'assassinat, puisque c'est Doumer qui, pour le gouvernement français, va négocier auprès du tsar en personne l'envoi de troupes russes pour contribuer à l'effort de guerre sur le front français. Doumer est également très... Il développe la relation franco-américaine. Alors, les Américains le comparent à Roosevelt. Il reçoit en 1927, à la présidence du Sénat, l'aviateur Lindbergh, qui vient de traverser l'Atlantique. Et enfin, troisièmement, en matière de politique étrangère, Doumer s'appuie sur la relation franco-britannique, mais il tourne le dos à l'Allemagne. Il doit recevoir un émissaire allemand à l'Élysée. Il dit que ça n'est pas possible, que Blanche, son épouse, ne pourrait pas avaler une bouchée, et qu'un homme qui a perdu 5 fils, 5 enfants à la guerre ne peut pas recevoir un émissaire allemand. Ouais. Finalement, après des débats, il consent à une audience à recevoir cet émissaire allemand, mais il est absolument borné, buté en matière de rapprochement franco-allemand. Est-ce qu'il a conscience, et d'ailleurs est-ce qu'on a conscience, à l'époque on entame une décennie de tous les périls, avec les montées de l'extrême droite partout. Alors parfois on dit qu'aujourd'hui c'est la même chose, la montée d'extrême droite partout, ça n'a rien à voir, les périls ne sont pas les mêmes. Là on est au bord du gouffre. Les années 30 vont valider malheureusement cette tendance. Il en est conscient lui, son équipe en est consciente, le pouvoir en est conscient? Oui, ce qui m'a frappé dans les sources, les contemporains, alors Monsieur Joseph Kessel est correspondant à Berlin, le procès, on parle d'un roman à la Dostoïevski, toutes les rédactions envoient des envoyés spéciaux à Paris en 1932. Ce qui n'échappe à aucun contemporain, c'est un changement d'ambiance politique. Ouais. On peut lire que partout plane une odeur de sang, et incontestablement, ce 6 mai 1932, c'est la fin de l'après Première Guerre mondiale, et on ne le sait pas encore, bien entendu, sinon on fait de la téléologie, c'est le début d'un nouvel avant-guerre. Et la chronologie ensuite est implacable. Hitler arrive au pouvoir. Alors tout d'abord, la question des réparations, j'y reviens, c'est la conférence de Lausanne. Eh bien, les réparations sont suspendues en juillet 1932. Par conséquent, Hitler, qui était pour les Allemands un monsieur réparation, qui incarnait la fermeté française sur ce dossier, était peut-être gênant. Ouais. C'est une hypothèse pouvant expliquer l'assassinat. Et puis ensuite, arrivée d'Hitler en 33, 30 janvier, événement du 6 février 34, et que fait la République française, hein, où elle vacille vraiment à ce moment-là. Le 22 juillet 1934, on inaugure un monument Paul Doumer à Aurillac, sa ville natale, sur souscription nationale. Et que fait la Troisième République quelques semaines, hein, après avoir vacillé le 6 février? Elle rappelle sur ce monument son dogme de base. Son dogme de base, c'est la méritocratie. Fils du peuple devenu président, elle réaffirme cela avec force. Alors, vous parlez, concernant les pistes, il y a la réparation. Réparation de guerre imposée à l'Allemagne. Il y a quand même cette piste de Gorgoulov. Évidemment, il est fasciste russe. Donc il est anti-soviétique. Vous le disiez, la France est plutôt copain-copain avec l'Union soviétique à l'époque. Est-ce que c'est pas là la motivation apparemment la plus évidente? Alors tout d'abord, on l'a présenté comme anarchiste, hein, comme si, dès qu'il y avait un assassinat politique, comme Caserio, l'assassin de Sadi Carnot en 1894, était anarchiste. Il est fasciste, ce qui évidemment n'a pas tout à fait la même signification politique en 1932. Alors depuis l'apparition du livre, j'ai reçu beaucoup de courriers de lecteurs, j'ai poursuivi l'enquête dans les archives diplomatiques françaises, et dans les archives allemandes et britanniques. Les Allemands nous mettent en garde, ils nous disent que finalement c'est une ficelle trop grosse. C'est un piège que de présenter Gorgoulov comme un russe blanc, anti-bolchevique. Ouais. D'accord. Il nous dit, je les cite, beaucoup voudraient inculper les soviets. Tous les moyens sont bons pour dire que la Russie ne rêve que de sang. Posant la question, à qui profite le crime? Qu'est-ce que la Russie avait à gagner au meurtre de Doumer si elle avait voulu supprimer un ennemi dangereux? Il y avait Hitler ou Mussolini. Les Allemands, toujours, présentent l'hypothèse d'une vengeance politique. Hypothèse sérieuse. Ils font un lien qui me semble très intéressant entre 1915 et 1932. Gorgoulov, qui lui-même, sur ses papiers, se présente comme un ancien combattant russe de la Grande Guerre, eh bien, considère Doumer coupable parce que c'est lui qui, en 1915, est envoyé par le gouvernement français à Saint-Pétersbourg pour supplier le tsar d'envoyer les troupes russes sur le front occidental. Et deuxièmement, parmi les nouvelles pistes sur lesquelles je travaille, les Britanniques, de leur côté, dont les services de renseignement sont déjà les plus performants en Europe en 1932, eh bien, ils relèvent qu'au sein de l'Internationale communiste existe un groupe spécial agissant directement pour le compte de Staline. Ce groupe spécial, je cite, a pour but un travail terroriste spécial. La stratégie de la révolution internationale exige le soulèvement des classes opprimées contre leurs tyrans et l'affaiblissement par des troubles renforcés de la peur de l'inconnu et appel à la destruction des chefs. Il y a plusieurs pistes, finalement. Il y a toujours plusieurs pistes. Il ne faut en négliger aucune jusqu'à ce qu'on puisse administrer la preuve. Bien sûr. Bien sûr, ce sera le mot de la fin. Amaury Laurent, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat de Paul Doumer. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Laurent Baudouin. Vos fêtes de fin d'année, chapons, dindes, poulards et pintades fermières d'Auvergne viendront illuminer tous vos plus beaux repas. Une gamme festive aussi variée que gourmande qui promet à la fois qualité et goût imparable, mais pas que. Deux signes officiels de qualité, label rouge et IGP. Des conditions de production strictes, respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nourris avec une alimentation sans OGM et riche en céréales. Spécialement élevés pour les fêtes de fin d'année, les chapons, dindes, poulards et pintades fermières d'Auvergne sont engagés comme jamais. Plus d'infos sur volaille-auvergne.com.